masse qui se couche sous le poids des mensonges, les poings serrés à s'en crever les yeux, à ceux qui se lèvent en grande palissade tenant en fleurons leur sincérité. La fleur fichée au bout du fusil est partie en guerre contre le faux, pour que non plus jamais les langues ne se plient au joug du non-dit. Il y a des gens qui l'ont croit, c'est comme s'il y avait des glaçons, si froid, si froid. Ils te disent vas-y tu peux toucher, toi tu crois que tu vas te geler, mais en fait tu t'es cramé. J'aime pas la vie, j'aime pas les gens, avec eux rien n'est transparent. On pourrait leur ouvrir le corps à coups de hache, mais c'est aussi flou dehors que dedans. C'est là dans la fosse qu'on tombe et retombe, et quand il reste à perdre, on est content. Tant qu'on reste caché à nier l'évidence, tout sourire et tout fier, juste pour un temps. Il y a des gens qui l'ont croit, c'est comme s'il y avait des glaçons, si froid, si froid. Ils te disent vas-y tu peux toucher, toi tu crois que tu vas te geler, mais en fait tu t'es cramé. À la tentation de la nature mal humaine, certains succombent sans provision, assénant le prix avec les intérêts de leur trahison à leurs compagnons. Tombant les bras, nous pauvres pommes, buvant à la source de l'illusion. On se réveille, on se rendort, jamais rassasié de se faire traiter de con. Il y a des gens qui l'ont croit, c'est comme s'il y avait des glaçons, si froid, si froid. Ils te disent vas-y tu peux toucher, toi tu crois que tu vas te geler, mais en fait tu t'es cramé. Il y a des gens qui l'ont croit, c'est comme s'il y avait des glaçons, si froid, si froid. Ils te disent vas-y tu peux toucher, toi tu crois que tu vas te geler, mais en fait tu t'es cramé.